Bismillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah. Iqraran bihi wa tawhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alayhi. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba. Donc bienvenue à tous. Hayyakum Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit bienfaisant envers vous. Donc on continue l'explication des paraboles du Coran. Hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons vu une parabole qui se trouve dans Sourate Az-Zumar, donc dans Sourate les groupes. Et ce soir, incha'Allah, nous allons étudier une parabole qui se situe dans Sourate Al-Jumu'ah, donc Sourate le vendredi. Et cette sourate, comme l'ont mentionné les savants du tefsir, c'est une sourate médinoise. Et elle a été appelée, donc sourate al-Jumu'ah, donc la sourate du vendredi, ou sourate le vendredi plutôt, car Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné ce jour dans cette sourate. Et la parabole que nous allons étudier ce soir se situe dans le verset 5. Allah subhanahu wa ta'ala il dit مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction de ce verset, ceux qui furent chargés de mettre en pratique la Torah et qui ne l'ont pas observée sont semblables à un âne chargé de livres précieux. Oh, combien détestable est la condition de ceux qui démentent les versets d'Allah. Allah ne guide pas les transgresseurs. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne la situation des Juifs qui ont délaissé la mise en pratique de la Torah, après l'avoir appris et après l'avoir étudié. Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélé la Torah et ils avaient l'obligation de la suivre et de la mettre en pratique. Ils ont donc pris connaissance de ce qu'il y contient. Et certains l'ont même mémorisé par cœur. Mais malgré cela, ils ont délaissé le plus important, qui est la mise en pratique. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, par la suite, il nous dit كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا. Ils sont semblables à un âne chargé de livres précieux. C'est-à-dire, ils sont semblables à un âne qui porte des livres de science sur son dos. Et la question qu'on peut se poser ici est quel est le lien de ressemblance entre les Juifs qui ont délaissé la mise en pratique de la Torah avec l'âne qui porte des livres de science sur son dos. Et la réponse à cette question se fera en plusieurs points. Le premier point, lorsque les Juifs ont pris connaissance de ce qu'il y avait dans la Torah, ils l'ont appris, et pour certains, même mémorisé, mais qu'ils ne l'ont pas mis en pratique, leur science ne leur a servi à rien du tout. Tout comme l'âne qui porte des livres de science sur son dos. Cette science qui se trouve sur son dos ne lui servira à rien et ne lui sera jamais profitable. Ensuite, le deuxième point, lorsque les Juifs ont donc appris la Torah, mais ne l'ont pas mis en pratique, ils n'ont obtenu aucun mérite, car le mérite est pour ceux qui apprennent et mettent leur science en pratique, tout comme l'âne qui porte des livres de science. Il n'obtient aucun mérite dans le fait de porter ses livres sur son dos, car il ne comprend rien. Il ne comprend pas ce qu'il y a dans ses livres et il ne peut pas mettre en pratique la science qu'il y a dans ses livres. Et le troisième point, lorsque les Juifs, ils ont donc appris la Torah sans la mettre en pratique, ils n'ont obtenu au final que fatigue et épuisement. Car comme cela est connu de tous, l'apprentissage de la science demande du temps et la personne se fatigue pour obtenir la science. C'est pour ça que Yahya ibn Abi Kathir, il disait une très bonne parole concernant ce sujet, rahimahullah, il disait al-ilm la yunal bi rahati al-jasad. Al-ilm la yunal bi rahati al-jasad. Il disait qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. La science ne s'obtient pas avec le repos du corps. Donc au final, les Juifs n'ont obtenu que fatigue et épuisement. Tout comme l'âne qui porte des livres de science sur son dos. Ni il profite de ces livres, ni il les met en pratique. Et donc il se fatigue à porter ses livres pour rien. Et n'obtient rien d'autre que de la fatigue. Et n'obtient rien d'autre que de la fatigue et aussi de l'épuisement. Et donc après l'explication de ces trois points, on comprend mieux pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il a dit kama falil himar yahmilu asfara. Donc ils sont semblables à un âne chargé de livres précieux. Malgré que cette parabole parle des Juifs, elle s'applique aussi à celui qui prend connaissance de ce qu'il y a dans le Coran, mais qui délaisse sa mise en pratique, comme l'a mentionné l'éminent savant Ibn al-Qayyim, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Car le plus important n'est pas l'apprentissage et la mémorisation du Coran. C'est plutôt la mise en pratique du Coran et d'un point plus général, la mise en pratique de la science. Car la science, sans la mise en pratique, est comparable à un arbre sans fruit. Si tu ne mets pas en pratique le Coran, alors il sera une preuve contre toi le jour du jugement. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, d'après Abu Malik al-Harith ibn Asim al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: le Coran, hujjatun lak ou alayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. Donc le Coran est une preuve pour toi si tu t'y conformes. Et si tu mets en pratique ce qu'il y a dans le Coran, c'est-à-dire que tu obéis aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ordonne la prière, tu pries. Allah subhanahu wa ta'ala ordonne le jeûne, alors tu jeûnes et tu délaisses ses interdits. Allah subhanahu wa ta'ala interdit le shirk, alors tu ne fais pas de shirk. Allah subhanahu wa ta'ala interdit le mensonge, alors tu ne mens pas. Le Coran est une preuve pour toi si, comme on l'a dit, tu t'y conformes et tu mets en pratique ce qu'il y a dans le Coran. Mais si, au contraire de cela, tu délaisses la mise en pratique du Coran et tu fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit, et tu délaisses ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, alors le Coran sera certes une preuve contre toi le jour du jugement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction: ô combien détestable est la condition de ceux qui démentent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est un blâme envers ceux qui démentent les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui, après avoir eu la science, ne mettent pas en pratique leur science. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala finit cette parabole en disant: Allah ne guide pas les transgresseurs. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accorde pas la guidée à celui qui a comme caractéristique la transgression. Et donc, après avoir fini l'explication de cette parabole, nous allons mentionner quelques enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de cette parabole est la dangerosité de délaisser la mise en pratique de la science. Car celui qui délaisse la mise en pratique de la science aura certes un lourd châtiment le jour du jugement. Car il n'aura aucune excuse, au contraire de l'ignorant, qui pourra peut-être, à la rigueur, être excusé par son ignorance, alors que celui qui connaît la vérité et qui a la science, lui n'aura aucune excuse. Et nous avons une preuve de cela dans le hadith de Abu Huraira, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, qui est rapporté par l'imam muslim, rahimahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première personne qui sera jugée le jour du jugement est un homme qui a appris la science, l'a enseignée et a lu le Coran, on le fera venir. Donc là, ici, si on s'arrête ici, donc à ce moment-là précis du hadith, on se dit, cette personne-là, elle a appris la science, elle l'a enseignée, elle a lu le Coran, forcément, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui donner une grande récompense. Et il va lui donner les plus hauts degrés au paradis. Car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il fait l'éloge des gens de science. Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, il dit « يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ » Allah subhanahu wa ta'ala élève ceux qui ont cru parmi vous et ceux à qui on a donné la science, il les élève en degré. Mais cette chose n'est pas correcte. C'est-à-dire que ce qui va venir après n'est pas une grande récompense pour cette personne. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit après, on le fera venir. Et Allah lui montrera ses faveurs, qu'il reconnaîtra. Ce jour-là, il ne peut que reconnaître les faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, les bienfaits dont Allah subhanahu wa ta'ala l'a comblé. Il demandera, qu'en as-tu fait ? Il répondra, j'ai appris la science. Je l'ai enseigné. Et j'ai lu le Coran pour toi. C'est-à-dire, il dit qu'il a été sincère et qu'il a fait tout ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans la dunya, s'il aurait dit ce genre de paroles, les gens, ils l'auraient cru. Car les gens ne savent pas ce qui se cache dans les poitrines. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour-là, dira, « Kadabta ». Il dira, « Tu mens. Tu as plutôt appris la science. » Pour qu'on dise que tu es un savant et tu as lu le Coran. Pour qu'on dise que tu es un lecteur. Et on l'a dit. Ensuite, on donnera l'ordre et il sera traîné sur son visage jusqu'à être jeté dans le feu. Nas'alullah al-afiyah wa salama. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. Et donc cette personne qui a appris la science savait pertinemment que l'ostentation était interdite et que sans la sincérité, l'action ne serait pas acceptée. Malgré cela, il a délaissé la mise en pratique de sa science et a œuvré pour qu'on dise que c'est un lecteur et pour qu'on dise que c'est un savant. Et cela lui a valu une place en enfer. Wal'iyadhu billah. Et tellement cette affaire est immense. Abu Huraira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, tombé évanoui à plusieurs reprises lorsqu'il mentionnait ce hadith. Et le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Muawiyah, qu'Allah l'agré, lorsqu'il mentionnait ce hadith, il pleurait jusqu'à ce que les gens qui étaient autour de lui craignaient pour lui la mort, tellement il pleurait. Subhanallah. Le deuxième enseignement est le délaissement de la mise en pratique de la science et la voix des juifs. C'est pour cela que les savants mentionnent que celui qui ne met pas en pratique sa science a une ressemblance avec les juifs. Et le troisième enseignement est que le mérite n'est pas dans l'apprentissage de la science sans la mise en pratique, mais plutôt il est dans les deux réunis, c'est-à-dire dans l'apprentissage de la science avec sa mise en pratique. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter à mettre en pratique notre science. Donc avec ça, on a fini l'explication de cette parabole. Et demain, incha'Allah ta'ala, on continuera bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala l'explication des paraboles du Coran avec la parabole qui est dans la sourate Al-Muddathir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.